Bonjour, après la Suisse, les États-Unis, l'Espagne, la France, nous sommes cette semaine en direct de Londres pour un roue libre exceptionnel. Nous sommes le mardi 17 novembre 2015 et c'est donc un épisode roue libre où tout peut se passer. Bienvenue! Bonsoir à tous, donc deuxième session de ces épisodes roue libre, nouveauté de la saison, en tout cas nouveauté au moins dans le nom. Et comme les anciens et regrettés freestyle, on reçoit cette semaine un invité. Donc on reçoit cette semaine Elodie de l'association, alors je vais pas la prononcer en fait, je vais essayer de présenter Elodie. Bonsoir, donc je suis Elodie de Pint of Science. Voilà, qui est donc et depuis Londres. Tout à fait. Sinon on a une bonne partie de l'équipe habituelle, donc on a Johan depuis Baltimore. Salut. Donc contrairement aux émissions de télévision ou de news, on n'a pas un envoyé spécial sur place. Nous, on prend un envoyé spécial de Baltimore pour interviewer quelqu'un à Londres. C'est logique. C'est super logique. On a Topo depuis Paris et moi-même depuis Paris. Hello. Salut donc Topo. Au sommaire de l'émission cette semaine, donc l'interview d'Elodie, un retour sur les émissions précédentes, la nouvelle et mystérieuse rubrique Passons au vote de Johan, un petit plug, une quote et ce sera tout. Et sur ce, bah, je vous propose de passer directement à l'interview d'Elodie par Johan. Non, j'ai pas de jingle. Alors ma première question était sur ton type de bière préférée, mais tu viens de nous avouer hors émission que tu buvais de la Corona. Alors non, alors ce n'est pas ma bière préférée, c'est la bière que j'avais dans le réfrigérateur. Attention. Donc la première question était, est-ce que tu es plutôt bière belge ou pale ale? Donc on reçoit quelqu'un qui parle de bière et qui dans son frigo à Londres n'a que de la Corona, je n'ai rien d'autre à dire. Fin de l'interview, merci, au revoir. Merci, au revoir, à bientôt. Non, j'aurais été plus... En fait j'ai un aveu à faire, j'aime la bière que depuis très très peu de temps en fait, depuis 2 ou 3 ans seulement, donc je m'habitue petit à petit, donc je dirais les bières assez plates, assez pas très compliquées, pas les trop grosses bières belges, mais l'accro. Pour me faire taper dessus une dernière fois. Non, j'ai rarement vu ça, mais la chatroom est silencieuse. Merde. Non, mais ouais, les bières simples, on va dire. Voilà. Donc maintenant, j'ai passé aux questions que je t'avais envoyées. Celle-là, c'est la question plèche. Alors, du coup, qu'est-ce que. Là, on vient de perdre tous nos auditeurs belges. Hein. On en avait qu'une. Alors, donc, du coup, qu'est-ce que Pint of Science? Alors, Pint of Science, tout simplement, c'est prendre les scientifiques et les mettre dans les bars pour qu'ils expliquent leur recherche d'une façon simple au public. Ok. Et du coup, tu es, on l'a dit, présidente de cette association en France. Oui. Alors, vous voulez peut-être un petit peu d'historique sur Pint of Science? Par exemple? Alors, pas de problème. Alors, donc, en fait, c'est l'idée de base. Et Pint of Science est né en Angleterre en 2013. Sous l'impulsion de deux scientifiques qui se sont dit en fait que la science plaisait aux gens mais que c'était assez inaccessible. Donc du coup, ils ont décidé d'amener la science là où tout le monde allait, c'est-à-dire au pub. Et j'ai participé en fait à cette première édition anglaise qui a rassemblé plus de 3400 personnes et qui était dans 3 villes à Londres, Oxford et Cambridge. Et à la fin de cette première édition, en fait, gros succès, ils se sont dit qu'est-ce qu'on fait? Et je leur ai proposé d'emmener le concept en France, en fait. Donc voilà. Donc c'est comme ça qu'est née l'aventure Pint of Science en France. Et cette année, donc c'était année 2015, la 3e année pour l'Angleterre, 2e année pour la France. Et il y avait également donc Pint of Science dans 9 pays, dont la France. Donc c'était vraiment une aventure internationale cette année. D'accord, j'ai pas le temps de regarder. Ça existe aux États-Unis aussi? Oui, ça existe aux États-Unis. Alors cette année, donc on était dans 9 pays. C'était les États-Unis, l'Australie, l'Irlande, la France, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, et je crois que j'ai oublié personne. La Belgique? Non, la Belgique, d'une façon très surprenante, en fait, on a trouvé pour l'instant personne pour commencer un Pint of Science en Belgique. Mais, est-ce que tu nous aurais pas fixé? Peut-être. Je pense qu'en buvant de la Corona, ils se sont dit non mais c'est même pas la peine, on va pas commencer ça, c'est la loose. Non, mais je pense pour l'instant c'est pas encore là, mais on se développe petit à petit et c'est vrai que il y a eu un gros boom en 2015. Là cette année, il y aura que quelques pays en plus parce que c'est difficile de gérer tout ça en fait. Donc voilà. Il y a une coordination au niveau international ou il y a un chef international de Oui, alors le chef international, c'est l'Angleterre, hein, les créateurs de Pint of Science. Mais c'est vrai que petit à petit, par exemple cette année, je vais aider le Canada et l'Allemagne l'Autriche à se mettre en place, en fait. Donc du coup, il y a un chef, on suit un peu les directives de l'Angleterre, mais tous les pays sont un petit peu indépendants et c'est vrai qu'il y a une entraide entre pays. C'est pas chacun dans son coin ou tout le monde ne suit pas juste le chef. On essaie d'adapter ça suivant les pays également. Ok, donc du coup, cette année, c'était en avril en France, c'est ça ? En mai. Mai, pardon. Ouais. Et donc, ça a duré combien de temps ? 2 semaines ? Donc, c'est 2 jours en mai. 3 jours, okay. Pardon, en mai. Donc, l'année dernière, c'était du 18 au 20. Et en 2016, ça sera du 23 au 25. Et donc, l'idée, c'est en fait 3 jours en mai. Donc dans tous les pays, c'est les mêmes 3 jours en fait. Et c'est un peu comme un festival, comme les Solidays, etc. Sauf qu'au lieu d'être dans un endroit, c'est dans plusieurs villes et dans plusieurs pays à la fois. Et il y avait une intervention, par exemple, qui t'a plu particulièrement l'année dernière. C'est quel type de chercheurs qui viennent Alors, il y a un peu de tout. Il y a tous les sujets. C'est-à-dire qu'on va de la neuroscience à l'astrophysique, en passant aussi par les sciences sociales, la biologie, etc. Les maths, on essaie vraiment d'avoir tous les sujets possibles. Et moi qui suis neuroscientifique en fait et qui déteste la physique, l'intervention qui m'a marquée l'année dernière, c'était une intervention sur la physique des particules que j'ai complètement adorée en fait. Et c'est vrai que pour me faire adorer la physique, c'est vraiment très difficile, donc j'ai trouvé que c'était un bel exploit. Ça restera gravé. On a Robin dans la chatroom qui partage ton désintérêt pour la physique, mais... En fait, c'est pas un désintérêt, c'est vraiment pour moi, c'est tellement compliqué que j'ai du mal à comprendre en fait. Et du coup, là, c'était expliqué tellement bien que j'ai vraiment adoré, quoi. Okay. Est-ce que tu as testé plusieurs formules, juste pour savoir, en gros, est-ce que tu es allé dans plusieurs villes pour voir s'il y avait des ambiances différentes ? Alors non, parce que généralement, comme je suis parisienne, je suis restée à Paris parce que j'avais déjà tellement à faire à Paris que j'ai pas réussi à aller dans les autres villes. Mais c'est mon plan pour l'année prochaine. Et la première année, j'étais à Londres quand même, puisque j'étais dans l'équipe de lancement du truc. Et donc, j'avais fait 3 bars différents à Londres la première année. Et cette année à Paris, j'ai fait 3 bars différents aussi pour essayer de faire de la physique, de la bio et de la neuro, pour essayer de voir un peu tout. Mais c'est vrai que plus on a d'événements, plus ça devient difficile de se diviser et d'être partout. J'imagine, ouais. Mais du coup, en fait, c'est quand même assez particulier comme lien, parce que du coup, c'est assez inattendu comme rencontre entre chercheurs et public dans un bar. Ouais. Tu penses quoi en général en fait de la place des sciences dans les médias ? Est-ce que c'est une sorte de critique ou est-ce que tu penses que ça peut être complémentaire ou... Je pense que ça peut être complémentaire. En fait, je pense que le public manque d'infos sur ce qui se passe en recherche, notamment autour d'eux. Je pense que ça, c'est vraiment une grosse lacune. C'est qu'on ne sait pas trop ce qui se passe. Et du coup, dans les médias, malheureusement, on arrive à faire passer seulement... les chercheurs qui parlent aux médias, il n'y a pas forcément tout le monde qui fait de la communication scientifique en fait. Et c'est vrai que parfois les médias vont parler de choses sans exactement comprendre ou sans vraiment avoir en gros le fin mot de l'histoire. Et parfois il y a un peu des trucs qui passent, qui sont grossis en plus par les réseaux sociaux, etc. etc. Et je trouve que Pint of Science, c'est vraiment une bonne idée parce que ça aide à avoir le chercheur qui parle directement au public, en fait, sans intervenant au milieu, sans rien, sans effet de téléphone arabe. C'est vraiment juste, voilà ce qui se passe dans mon labo, voilà ce que je fais, voilà les nouvelles avancées sur, je ne sais pas, telle maladie, telle technologie, telle idée, etc. Et je trouve que vraiment, c'est quelque chose qui manquait et qui est hyper complémentaire, en fait. Et donc voilà, je trouve que c'est une façon, parce que le chercheur, malheureusement, il est très souvent dans son labo. On n'a pas un contact direct avec les chercheurs. Et je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Et le fait que ce soit dans un bar, ça décontracte tout le monde. Franchement, je ne sais pas si vous allez aller à une soirée Pint of Science, mais les gens, vraiment, il n'y a pas de problème pour poser des questions. Les gens sont décontractés. Ils ont vraiment envie d'en savoir plus sur le sujet, en fait. Donc, le bar, c'est vraiment, je pense, c'est vraiment le truc qui donne une atmosphère vraiment très très détendue et qui permet aux gens de se lâcher et de poser des questions qu'ils poseraient probablement pas dans un amphi ou dans un endroit un petit peu plus on va dire normal. Et du coup, il n'y a pas beaucoup de démonstrations. C'est généralement, c'est juste une discussion à décontracter. Il n'y a pas, je sais pas, des expériences qui seraient montrées. C'est pas peut-être moins tape à l'œil que les trucs qu'on peut avoir pour la fête de la science. Je sais pas. Il y a un Ig Nobel sur le temps de diminution de la mousse qui suit une loi exponentielle. Oui, j'ai vu celui-là. Bah, en fait, on essaye. C'est-à-dire que le format d'une soirée Pint of Science. Donc ça va être généralement une intro qui va être faite par un chercheur un peu plus junior qui sera vraiment vraiment les bases du sujet qui va être abordé. Donc par exemple, moi je travaille sur l'épilepsie, ce serait les bases de l'épilepsie, qu'est-ce que l'épilepsie, etc. Et généralement on fait un petit break pour aller se recharger en bière et on fait une animation. Donc suivant les villes, suivant les opportunités, la plupart du temps c'est un quiz parce que c'est parti tout simplement de Londres et qu'à Londres ou en Angleterre en tout cas, le pub quiz c'est vraiment une tradition hyper ancrée. Et c'est très sympa et généralement ça aide les gens à discuter entre eux, à chercher la bonne réponse, etc. Mais suivant les villes, il y a eu de l'improvisation, il y a eu un peu de théâtre, il y a parfois des gens qui viennent dessiner sur place, il y a un peu de tout en fait. Donc effectivement, les expériences, ça serait quelque chose qu'on aimerait bien trouver. Après, on peut pas forcément faire des expériences sur tout. Tout le temps, il y a tous les sujets sont pas ni dans un bar tout le temps, Mais c'est vrai que si on peut faire, mais c'est vrai que si on pouvait faire quelques expériences sur place, ça serait plutôt pas mal. Et c'est effectivement l'idée, suivant le sujet, etc. Donc voilà. D'accord. Oui, je voulais rebondir un petit peu parce que tu dis que tu as fait donc la place de la recherche dans les sciences dans les médias. Est-ce que tu vois une différence sur ça entre la France et l'Angleterre, toi qui as une vision des deux ? Alors, je vois pas forcément une place différente de la science dans les médias en France et en Angleterre. Par contre, je vois une différence par rapport à comment les chercheurs sont perçus en France et en Angleterre. C'est vraiment le jour et la nuit, c'est-à-dire qu'en Angleterre, quand on dit qu'on est chercheur, les gens généralement vont avoir du respect, vont se dire sur quoi tu travailles, ça doit être un peu compliqué, mais ils essayent un petit peu de comprendre. Et en France, généralement, avec les Français, quand on dit qu'on est chercheur, mais c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que la plupart du temps, franchement, je compte même plus le nombre de fois où j'ai eu la blague des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Ou des choses comme ça en fait. J'ai l'impression qu'en France, l'idée du chercheur, c'est un peu le mec inutile dans son labo qui n'arrive pas trop à parler au monde extérieur avec des mots concrets, etc. Et donc, je pense que c'est pas forcément la place de la science dans les médias, c'est plus la place du chercheur en fait, ouais. Qui est différente. Vraiment, où on sent vraiment, vraiment la différence. Je pense que oui, effectivement, je rejoins ce que tu dis. Enfin, moi, je le vois entre les États-Unis et la France, mais bon, je pense que ça peut faire l'objet de plusieurs épisodes, ce genre de discussion. Sinon, du coup, donc toi, tu es chercheuse. Je suis chercheuse, tout à fait. Tu fais quoi exactement dans la vie et c'est quoi ta recherche ? Alors, ma recherche, donc, je suis neuroscientifique. Je travaille sur l'épilepsie, donc une maladie qui touche quand même 1% de la population générale, donc quand même grosse prévalence. Et donc, moi, ce que je fais, en fait, c'est que j'essaie de traiter des épilepsies intraitables. Ça fait classe de dire ça. Donc, en gros, l'idée, c'est que je travaille sur une thérapie génique. Donc, pour les gens qui ne sont pas neuroscientifiques, qui ne connaissent pas du tout ça, en fait, ou même qui font pas de bio ou qui ne font même pas de science en général, l'idée, en gros, c'est d'insérer un gène dans le cerveau qui va permettre, en gros, de guérir de l'épilepsie. Et c'est assez intéressant parce que ce sont des épilepsies qui sont résistantes aux traitements anti-épileptiques, pour lesquelles la chirurgie n'est pas possible. Donc en gros, c'est des patients pour lesquels c'est un petit peu la dernière chance, quoi. En quelques mots, tu peux nous dire c'est quoi justement les traitements épileptiques qui existent à l'heure actuelle ? Alors, il y a plusieurs types de traitements. Il y a notamment le plus grand nombre de gens vont être traités par des anti-épileptiques, donc des comprimés, hein. Il y en a beaucoup, beaucoup sur le marché. Généralement, il y a des combinaisons qui existent. Ça ne va pas forcément être le premier traitement qui va marcher le mieux. Donc voilà, généralement, les médecins essayent plusieurs traitements. S'ils voient que c'est vraiment résistant et qu'il n'y a aucun moyen de traiter ça, il peut y avoir une chirurgie possible. Donc ça, c'est quand l'épilepsie... En fait, l'épilepsie, il y a beaucoup, beaucoup de types différents. C'est 1% de la population, mais il y a tellement de types différents que chaque type peut être traité un petit peu d'une façon un petit peu spéciale. Et notamment, il y a des épilepsies qu'on appelle focales. Donc c'est des épilepsies qui, en tout cas, sont générées par un groupe de neurones dans le cerveau qui va être vraiment restreint. Et si ce groupe de neurones n'est pas trop proche de l'aire de la parole ou d'un endroit qui contrôle le mouvement ou quoi, parfois il peut être enlevé par chirurgie et les patients se retrouvent sans séquelles et sans épilepsie également. D'accord, mais juste en quelques mots, quand tu parles de comprimés, ce sont des choses qui interviennent sur des neurotransmetteurs particuliers ou qui inhibent certaines parties En fait, l'épilepsie, c'est vraiment une histoire d'électricité dans le cerveau. Donc généralement, okay. Ces anti-épileptiques vont essayer, en gros, de réguler l'électricité, la surcharge d'un certain type d'électricité dans le cerveau. Et il y en a qui réagissent sur vraiment beaucoup de choses, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un type d'anti-épileptique. Il y a vraiment un grand, grand nombre d'anti-épileptiques qui agissent chacun sur des choses un peu différentes, en fait. Donc faire une liste là, ça serait un peu chiant et un peu trop long, je pense. Non, d'accord, non, mais Ça. En fait, les neurones entre eux, tout simplement, ils interagissent avec de l'électricité et tout ça, c'est vraiment finement régulé. Et parfois, ce qui se passe, c'est qu'il y a en gros trop de communication entre eux et il faut réguler ça. Et suivant les antiépileptiques, ils agissent pas sur les mêmes voies, on va dire. Et c'est pour ça que généralement les médecins testent, pas un seul antiépileptique, mais plusieurs, parfois plusieurs en combinaison, etc., pour essayer de trouver en fait ceux qui marchent. Et certaines épilepsies sont complètement résistantes à ça, donc même avec plusieurs essais de traitement, malheureusement, ça ne marche pas. Et quand les patients ont la chance, entre guillemets, d'avoir une épilepsie qui va être vraiment restreinte, donc là, la chirurgie peut être possible. Et malheureusement, il y a des patients qui ne sont pas candidats pour la chirurgie et qui sont résistants aux antiépileptiques. Et dans ces cas-là, l'idée, en gros, ce serait de leur injecter donc par le biais des virus. Donc de leur injecter, ça fait toujours très peur, mais en gros, les virus, c'est juste un transport, en fait. Donc il y a rien. Ouais, c'est un outil, ouais. C'est un outil de transport, exactement. Et donc leur injecter des virus qui porteront un gène qui régulerait cette balance en fait dans le cerveau. Pour rassurer les gens, c'est juste en fait des virus EGM quoi. Bah en fait voilà, c'est voilà exactement, ça va rassurer, je pense que les gens vont être vraiment vraiment rassurés si on leur dit ça. Non, en fait les virus, on enlève tout ce qu'il y a, par exemple si on travaille avec le HIV, on va enlever tout ce qu'il y a qui fait que le virus est HIV, donc qu'est-ce qu'il va faire qui est mauvais, entre guillemets. Par contre, on va garder le mode de transport, donc le fait que ce soit un petit virus qui va rentrer dans les cellules et qui va déposer l'ADN, etc. On va juste garder ça, c'est comme une voiture, en fait. Ça dépendra des gens qu'il y a dedans, on va enlever les méchants et on va mettre des gens bien dedans. Bah, c'est la même chose. Voilà. Ça peut mener à des conversations. Alors bon, tu vois, il y a les bons conducteurs et il y a les mauvais conducteurs. Voilà, alors on ne choisit que des bons conducteurs, justement. Trier vrai. Sur le volet. Et donc l'épilepsie, t'es tombé comment C'est-à-dire, enfin, le sujet de recherche de l'épilepsie, c'est quelque chose qui, en gros, c'est les aléas de la vie qui t'ont amené à trouver ce sujet de recherche, ou tu as vraiment activement été attiré par ce sujet de recherche? Alors complètement par hasard en fait. J'étais généticienne à l'époque, donc il y a une dizaine d'années. Je faisais de la génétique. J'avais très très envie de travailler avec une équipe donc qui faisait de la génétique humaine. Et quand j'étais en master, j'ai demandé à mon superviseur de l'époque, en fait, est-ce que tu connais une équipe qui ferait de la génétique humaine? Et il m'a dit, ah bah oui, je connais l'équipe de donc Stéphanie Bollack et Éric Le Gouerne à la Pitié-Salpêtrière. Et ils font de la génétique humaine. En fait, ils m'ont pris dans leur équipe pour faire une thèse. Et donc voilà. Par contre, j'ai tenté de m'échapper il y a quelques années pour faire un postdoc. Donc après ma thèse, je suis partie travailler sur la réparation du nerf sciatique. Pendant 2 ans, et par contre mon retour en épilepsie, donc depuis 3 ans, a été totalement volontaire parce que ça me manquait en fait. Travailler sur le cerveau, travailler sur une maladie qui touche autant de monde et se dire qu'on peut faire autant, peut-être une différence, peut-être, hein. Si on arrive à trouver quelque chose, c'est vrai que c'était pas mal. Donc voilà, donc c'était par hasard et mon retour est grandement voulu. Peut-être une dernière question sur tes recherches. On avait fait un dossier il n'y a pas longtemps sur le système CRISPR-Cas. Est-ce que c'est une des thérapies qui sera envisagée, justement, apportée par les virus pour pouvoir corriger certaines maladies? Tout à fait. Alors, ouais. Dans mon labo, ouais, moi, je ne travaille pas directement dessus, mais dans mon labo, oui, on est en train d'essayer de mettre ça en route, en fait. D'accord. Je me posais aussi la question durant tes post-docs, en fait. Est-ce que ta Pint of Science, c'est ta première expérience de vulgarisation? Ou est-ce que tu faisais d'autres choses avant, à un moment? Alors, totalement ma première expérience de vulgarisation. En fait, j'ai fait une thèse parce que je voulais être prof. Donc, c'est pas tout à fait par hasard hein, que je fais de la vulgarisation. C'est qu'au départ, en fait, je voulais pas forcément faire de la recherche. Je voulais enseigner la science. Donc, du coup, c'est vrai, quand Pint of Science est tombé sous le museau, je me suis dit que ça serait quand même cool de faire ça. Et puis, j'adore. Donc, du coup, j'ai continué. Et là, c'est vrai que ça prend une grosse ampleur parce que je m'occupe de toute la France, mais j'adore et j'échangerai ça pour rien au monde. Et c'est vrai que voilà, c'était une superbe opportunité en fait qui est tombée sous mon nez. Mais j'avais jamais fait ça avant. Juste des cours. Ok. Et l'enseignement, ça te plaisait? Ah ben j'adorais, hein, franchement, et je pense que c'est pour ça que Pint of Science me plaît, c'est que c'est une forme d'enseignement, c'est juste que c'est l'enseignement au public en fait, mais l'enseignement, j'adorais ça en fait, voir une étincelle dans l'œil de quelqu'un qui comprend ce qu'on est en train de lui raconter, moi je trouve ça génial. Et du coup là tu comptes redevenir enseignante ou peut-être faire de la vulgarisation à ton métier, je sais pas. Alors en fait le problème c'est que donc sur le chemin de devenir enseignante, je suis tombée sur la recherche que j'avais absolument pas envisagée avant. Et c'est vrai que j'adore ça aussi. Donc je pense que pour l'instant en faisant de la recherche et sur mon temps libre en m'occupant de Pint of Science, je suis vraiment arrivée à un bon équilibre entre ce que j'adore faire donc de la recherche la journée et le soir organiser des événements et faire de la vulgarisation. Donc je pense que pour l'instant ma formule me plaît pas mal. Donc, on verra ce que la vie m'apporte, parce que c'est généralement comme ça. On dit où tu te vois dans 5 ans, et j'aurais jamais dit il y a 5 ans que je me serais vue à la tête de Pint of Science France, donc je pense que voilà, on verra. Très cool. Et les autres gens de l'équipe, en France en tout cas, et en Angleterre d'ailleurs, si tu les connais, c'est plutôt des chercheurs ou des post-docs comme toi, où il y a tout? Alors, il y a un peu de tout. L'Angleterre, l'équipe est gigantesque. Je crois qu'il y avait plus de 200 personnes l'année dernière. Ça continue. Je dis peut-être une bêtise, c'est peut-être même plus. Hein. Donc, je ne les connais pas tous. Hein, voilà, très, très peu. Il y en a, la plupart, c'est quand même des chercheurs. Dans l'équipe française, la plupart sont des chercheurs. Cette année, on a intégré de nouvelles villes avec des journalistes scientifiques et des gens qui font la communication scientifique, ce qui est super. Voilà, on est heureux de les avoir dans l'équipe parce qu'en plus ils donnent une petite vue de Pint of Science et de comment faire l'événement un petit peu en dehors de la science, etc. Donc c'est chouette. Donc voilà, il y a un peu de tout en fait et il y a beaucoup d'étudiants en thèse. Et je dois dire qu'il y a des coordinateurs de ville qui sont étudiants en thèse, qui sont en train de finir leur thèse, qui vont soit bientôt soutenir, soit bientôt finir de rédiger. C'est courageux. Donc, combien de villes en France, tu disais ? Alors, cette année, ce n'est pas encore fixé. L'année dernière, on avait 8 villes. Cette année, c'est entre 16 et 18, suivant comment on avance, comment ça se passe. Voilà, on a des villes qui voulaient le faire, qui ne peuvent pas forcément, par manque de gens ou de temps, malheureusement. Donc, on va dire un peu plus de 16. D'accord. Voilà. Donc, et dont La Réunion. Donc, on s'exporte loin. Cette année. Ok, du coup, ouais, tu nous rappelles un peu les infos là, sur l'édition 2016. Donc, l'édition 2016, ça sera du 23 au 25 mai 2016. Dans beaucoup de villes, je ne vais pas les lister là parce que je pense que je vais en oublier. Mais toutes les infos sont disponibles sur le site www.pintofscience.fr. Les villes changent. Voilà, il y a notamment en petit nouveau, il y a Caen, il y a Toulouse, Perpignan, on se retrouve avec plein de gens du sud, Marseille, donc La Réunion, c'est nouveau, on a Boulogne-sur-Mer également, cette année, Lille et Nantes, ça ce sont les nouveaux, et en fait je vais y arriver, hein. Et de ceux qui restent de l'année dernière, donc on a Brest, Paris, Strasbourg, Montpellier, Saint-Étienne, Lyon, Grenoble, Bordeaux, et je crois que j'en ai oublié aucun, peut-être, j'en ai peut-être oublié, mais voilà. donc c'est ça, l'année prochaine, voilà, le gros défi d'avoir autant de villes, mais c'est chouette, voilà, on est content d'aller dans des grosses villes, mais aussi dans les plus petites. Et au Canada, parce que tu disais que ça commençait cette année, on a des Québécois qui nous écoutent, quelques-uns, je pense. Ouais, je pense qu'en tout cas, ils vont en live ou peut-être en replay. Donc oui, il y a le Canada, il y a en tout cas Montréal et Québec, je crois, si je ne raconte pas de bêtises. Et après, les autres pays, donc voilà, l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne. Cette année, l'Autriche, petite nouvelle également. Et les États-Unis, si je ne les ai pas dit, et l'Australie également. Ok. Voilà, bah donc je crois qu'on va arrêter là pour l'interview. Je te remercie. J'ai peut-être juste une petite question. Vous envisagez justement, j'imagine, plusieurs partenariats avec d'autres formules ou instituts ou associations de vulgarisation. Mm-hmm. Ou est-ce que c'est véritablement cloisonné carrément pas. Je pense qu'en fait, Pint of Science, on est un peu différent dans le sens où l'événement principal, c'est une fois par an. Après, on fait quelques événements spéciaux, mais le gros événement, le gros festival, c'est une fois par an. Donc, on marche pas trop sur les plates-bandes du Café des Sciences. Je pense qu'on est tous un peu différents dans la vulgarisation scientifique. Et je pense que plus on s'allie, plus meilleur on sera, quoi. Donc on est super ouvert à tous les partenariats avec un peu ceux qui veulent. Et pour l'instant, il y en a ou Alors, pour l'instant, on avait le Bar des Sciences à Montpellier l'année dernière. On a fait une soirée en commun. Ça va se reproduire probablement dans d'autres villes. On est en train de grandir. En fait, chaque année, c'est vrai que c'est un peu difficile de s'intégrer dans la ville, d'essayer d'organiser tout, etc. Mais on essaye d'agrandir, d'essayer d'avoir de plus en plus de partenaires, etc. Donc pour l'instant, il n'y a rien qui est confirmé. Donc je ne sais pas, mais on espère en tout cas qu'on va avoir un max de partenaires parce que c'est sympa pour eux, parce que on pensait éventuellement faire un partenariat avec Ma Thèse en 180 secondes ou des choses comme ça en fait. Donc ou FameLab ou tous ces gens-là en fait, ou vous, enfin un peu tout. Je pense que c'est la vulgarisation scientifique, c'est vraiment quelque chose qu'on devrait faire tous ensemble en fait. Parce qu'on est tous différents, qu'on apporte tous un point de vue qui est sympa. Et donc voilà. Donc si on peut tous s'allier, bah, tant mieux. C'est carrément bien pour finir. J'ai déjà eu des propositions et c'est nous qui ne nous sommes pas bougés. Donc c'est un peu honte à nous, quoi. Ça me rappelle quelque chose, effectivement. Ouais, pour l'année prochaine. Hein. Je préviens avant que Pierre propose. Donc tu sais que si tu proposes, c'est toi qui organises. Ah. Non, comment mais notamment, ce qui va probablement intéresser Strip Science et d'autres dessinateurs, c'est qu'en fait, pour cette année, on pensait éventuellement lancer un concours pour avoir un dessin pour nos t-shirts. Donc un concours sur les réseaux sociaux pour nous faire le design de nos t-shirts cette année. Et bien sûr, malheureusement, comme on est une assoce, qu'on n'a pas beaucoup d'argent, on ne peut pas payer les dessinateurs. Mais l'idée, ce serait vraiment d'avoir les noms sur tous les t-shirts, sur le site web, etc., etc. Donc je pense qu'on va lancer ça bientôt. Alors là, ce que je peux te dire d'office, en étant justement le fondateur de Strip Science et d'avoir lancé la plupart de ce genre d'événements, c'est que ça passe jamais. c'est très mal vu, ouais. C'est mal vu en ce moment, les concours de dessinateurs. Pas dans ce moment, ouais. J'ai l'impression que c'est de plus en plus mal vu, ouais. D'accord, ok. En fait, justement, c'est particulier parce que, en fait, donc moi, j'ai lancé cette plateforme en pensant justement que c'était le moyen de mélanger, etc. Mais il y a je pense qu'il y a des scarifications assez énormes de la plupart des illustrateurs qui peuvent pas prendre correctement quelque chose qui entache un peu leur vie systématiquement. C'est-à-dire qu'en gros, on leur demande régulièrement de faire des boulots gratuitement en leur disant vous aurez de la reconnaissance, reconnaissance, de la visibilité, voilà, c'est ça le visibilité. Terme. Et en fait, c'est non seulement c'est pas vendeur, mais en plus ça happe parfois des illustrateurs assez jeunes qui commencent et qui disent ah ouais, c'est une bonne idée, etc. Et ça ne promeut pas le fait que tout travail mérite salaire. Quoi. On a exactement le même problème avec les articles de vulgarisation. Bah ouais, non, mais voilà, c'est vrai. Après, c'est vrai que du coup, ça mélange les gens qui ont une démarche où clairement ils auraient les moyens de payer et ceux qui n'auraient pas les moyens de payer. Tout à fait. Mais voilà, parce que par exemple, Pint of Science, c'est vrai que tout travail mérite salaire, mais Pint of Science, je tiens à dire que tous les gens, tous les organisateurs de Pint of Science sont tous volontaires. Personne ne touche rien. Donc c'est pour ça qu'effectivement, tout travail mérite salaire, mais nous, on part du principe que ce qu'on fait, on le fait gratuitement. Et ça prend du temps, et ça prend carrément du temps sur nos vies. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on s'était dit, s'il y a un dessinateur qui a envie de faire un dessin, et ça lui prend du temps, sûr, mais ça peut lui faire de la visibilité, etc. C'est vrai que nous, en tant que bénévoles, on est tous bénévoles, et je ne parle pas que de la France, hein, les États-Unis, tous les pays, c'est tous des bénévoles qui font ça sur généralement leur temps. leur temps personnel. C'est vrai que nous, l'idée, c'était voilà, se dire bah, plutôt que de faire un truc à l'arrache comme j'ai fait l'année dernière, hein, bah, autant essayer de promouvoir quelqu'un. Et, ouais. Et voilà quoi. Alors après, c'est sûr, on n'a pas l'argent pour payer, mais on n'a pas, on se paye pas non plus. On est tous volontaires, donc c'est vrai que voilà. Alors moi, je pense qu'il y a, il y a plusieurs. Pour l'instant, se dessine d'une certaine manière, façon de parler en plus, deux manières de procéder. C'est soit tu fais ce que vous avez proposé, c'est un concours, mais alors du coup, il faut très très vite afficher que c'est pas un concours professionnel, c'est-à-dire que vous sollicitez pas des pros et donc en gros, tu veux des gens qui sont qui n'en font pas leur métier. Faudrait ressortir ça. Mm-hmm. Sinon, si c'est l'inverse, là par contre, faut très clairement dire que c'est une faveur que tu leur demandes et du coup, peut-être pas les faire rentrer. Oui, oui, non, mais nous, en fait, n'importe qui, même un mec qui est super bon en dessin, qui fait ça le dimanche de temps en temps, au contraire, tu vois, enfin. Ouais, bah du coup, ça serait concours d'amateurs. Ouais. C'est ça. Et donc, on en profite d'ailleurs pour remercier Pouillot qui nous a fait un dessin aussi là et qui est là toutes les semaines. <C'est clair. rire> Et donc là, il vient de faire sa candidature. Mais bah, Pouillot est un professionnel, donc il ne pourra pas participer. Dommage, Pouillot. Dommage. C'est compliqué. C'est comme les Jeux Olympiques. D'ailleurs, je trouve qu'il devrait arrêter de nous faire des dessins parce que c'est un professionnel, quoi. Il fait ça gratuitement. C'est pas possible. Ouais, mais c'est le dessinateur officiel de Podcast Science. Ouais, c'est vrai. Ouais. Il y en a eu d'autres, mais les autres ont abandonné. Alors. Ouais, ça va. Il dit. Les il autres dit vont s'y remettre un jour. Comme dessin là. Bon, on avait une petite question technique aussi qui sera même peut-être coupée au montage, qui sait. On voit le compte Twitter Pint of Science qui arrête pas de tweeter pendant que tu parlais. On se demandait si tu avais trouvé le don d'ubiquité ou si tu étais aidé en coulisses. J'ai ma community manager qui tweet. Tout s'expliquer parce qu'on était très impressionnés quoi. Non, il y a Racha, notre community manager, qui tweet ce soir, donc elle écoute et elle tweet. Elle est dans la chatroom. Ouais. Félicitations à elle parce que c'est vraiment un boulot de ouais, non, elle bosse bien, elle est top, elle est super réactive, elle est vraiment chouette. On est heureux de voir. On avait une question de Robin aussi, je crois. Ouais, en fait, j'avais plusieurs questions. Enfin, je vais essayer de faire court parce que ça fait déjà un moment. Tu veux parler de votre désintérêt commun pour la physique ? Pas du tout. Non, j'ai bien compris qu'il fallait que j'arrête de faire ma psychanalyse en public, tout ça. Non, et puis en plus, je suis en train de me soigner là-dessus quand même. Hein. Je vous l'annonce, petit à petit, ça avance. Non, c'était plutôt sur deux, trois trucs à propos de à quoi ça ressemble, en fait, déjà. Les barres, donc tu t'en as parlé un petit peu, là, les Pint of Science, là, j'essaie de prononcer bien. Mm-hmm. En anglais, parfait. Déplorable. Parfait. J'essaie de refaire ce que tu fais. Hein. Et de dire comme toi. ouais, il y a un truc, c'est que j'ai pas beaucoup assisté à des choses dans des barres ou des choses comme ça, mais. Disons que souvent, la réflexion que je me suis faite, c'est que le résultat, c'était un peu comme si on avait été dans une salle de conf, mais avec des fauteuils moins confortables, pour le dire un peu méchamment. Mais c'est plus d'alcool. Ouais, plus d'alcool. Bon, donc ça c'est l'aspect positif. Mais disons que j'ai l'impression que c'est vraiment très compliqué de faire quelque chose de fondamentalement différent à partir du moment t'avais l'air de dire que où il y a quelqu'un qui est quand même là pour parler principalement quoi. Alors là, t'avais l'air de dire qu'il y avait deux personnes. Il y a une première personne qui fait une présentation rapide. Quand tu disais, enfin une première présentation simple, tu disais légère quoi. Ça dure combien de temps à peu près ? Est-ce que tu pourrais dire plus précisément justement combien de temps durent les différentes étapes ? Même si j'imagine que ça change d'une fois sur l'autre, mais Comment c'est conçu ce machin ? Alors, ce machin, comment c'est conçu ? Pardon, excuse-moi. Généralement, la première intervention, c'est une dizaine de minutes. Donc, c'est vraiment, vraiment les bases, voilà. Avec des questions après, généralement, c'est rare qu'on n'ait pas eu de questions après. Après, on a une petite pause. Là, ça dépend un peu du monde, ça dépend un peu de combien de temps on va prendre pour le quiz, pour aller chercher une bière, etc. Donc, généralement, 15-20 minutes. Et l'intervention principale, c'est une trentaine de minutes avec questions. Ça peut être parfois un petit peu plus long, suivant s'il y a des questions en plein milieu et que ça commence une discussion folle. Mais alors, effectivement, ça peut paraître comme une conférence avec des chaises moins confortables, mais je pense que déjà d'être dans un bar avec une bière à la main, ça change, ou n'importe quoi, un vin, un coca, ce que vous voulez. On a le droit de boire autre chose que de la bière. On a carrément le droit de boire autre chose que de la bière. Non, tout le monde a la Corona. En fait, je pense que déjà, le fait d'être dans un bar, ça change carrément la mentalité des gens. C'est-à-dire que ça fait moins peur. Les gens sont beaucoup plus détendus, etc. Les intervenants, on les briefe bien sur le fait que c'est public. Et je pense que eux aussi, le fait d'être dans un bar, Avec les aléas, avec si c'est un bar qui sert des planches ou de la nourriture, il y a le serveur qui va venir apporter ça. Ça casse un peu ça a pas d'effet solennel du mec qui parle tout seul face à un public en fait. Mm-hmm. Surtout que c'est généralement des bars où il y a les plus gros, c'est à Bordeaux et encore c'est vraiment un gigantesque bar et c'est parce que ça marche bien, c'est 100 personnes, mais la plupart des salles, ça va être une cinquantaine de places. Et 50 places, ça va vite, hein, autour de petites tables, etc. Donc les gens ne sont pas assis les uns à côté des autres comme à une conférence. On est tous autour d'une table, on grignote un truc, on boit une bière. Donc déjà, rien que ça, en fait, l'ambiance est carrément différente de assis à une salle de conférence avec le museau droit sur l'intervenant, en fait. Mm-hmm. Donc je pense que ça a créé une ambiance qui est complètement différente. Si D'accord. ce n'est que je propose que, comme règle, il faudrait que les intervenants boivent systématiquement au moins une bière avant de parler. Ouais, généralement, moi, c'est ce que je disais la dernière fois au dernier événement Pint of Science qu'on fait, c'est que généralement j'ai toujours une bière à la main. Donc quand les gens prennent des photos, toutes les photos où je suis, j'ai toujours une bière à la main. C'est super oui, classe. Mais voilà, généralement, ouais, ils commencent leur bière en tout cas. Et je pense que voilà, ils prennent bien le concept, ils prennent bien l'idée que ce n'est pas une conférence. D'ailleurs, j'essaye de faire en sorte que les gens n'appellent pas ça conférence. Hein. Mm-hmm. Quand on parle de Pint of Science, on parle vraiment de soirée, on parle de science. Et l'idée, c'est de faire en sorte que vous aimiez la science et pas de sortir de là en se disant tiens, je sais exactement ce que c'est que tel truc. C'est de se dire mais en fait la science c'est cool et j'ai passé une bonne soirée en écoutant de la science ce soir quoi. En fait c'est marrant parce que ça me fait penser que c'est un truc qui existe quand même en conf entre chercheurs aussi. Enfin je veux dire là il y a des soirées en conf où on parle de science autour d'une bière, on parle de recherche, on fait des collaborations. C'est un truc qui existe. Enfin moi je sais que je le fais avec des collègues. Mais c'est un truc qui existe mais entre collègues. C'est ça. Et on va parler marrant, par contre. C'est juste une transposition que la plupart des chercheurs font en conf quand même. Oui, mais en conf, on est entre chercheurs, donc c'est vrai que ouais, non, je... voilà. Mais c'est exactement ça. C'est la même idée, c'est de parler de ses recherches avec une bière à la main. Et voilà, le seul truc, c'est que au lieu de parler avec le jargon de tous les jours, il faudra juste faire un peu gaffe et parler avec un langage que les gens, que le public va comprendre, quoi. Mais en gros, c'est vrai que c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Donc ça va pas dépayser les chercheurs tant que ça. Il faudra juste faire un peu attention de pas utiliser trop de gros mots, quoi. Par gros mots, je veux dire mots vraiment très scientifiques que personne ne va comprendre, mais c'est quelque chose qu'on a toujours fait en fait. C'est juste que malheureusement, on l'a toujours fait qu'avec des scientifiques. Mmh. On le fait entre nous. C'est dommage. Et donc, quand tu dis, alors je, c'est marrant parce que je me reconnais complètement dans l'objectif de, ils ont entendu parler de science et ils ont passé un bon moment. C'est, après quelques années à faire de la vulgarisation, c'est clair que ça a été petit à petit un de mes objectifs principaux. C'est difficile de se donner ça comme objectif au début parce que t'as envie de transmettre énormément de choses et que les gens s'émerveillent devant les trucs qui te plaisent et tout. Et puis qu'au bout d'un moment, je trouve que finalement, c'est un objectif qui devient vraiment essentiel. Ils ont entendu parler de sens, ils ont passé un moment. Ouais. Mais du coup, ça, c'est aussi quand on s'adresse à un public, on essaye de toucher un public vraiment éloigné des sciences, quoi. On essaye de toucher un public qui n'est pas déjà convaincu. Sinon, c'est un peu trop limité pour le coup comme ambition. Alors, comment dire ? C'est pas forcément les gens ont passé une bonne soirée en écoutant de la science. C'est par exemple, moi, j'ai beaucoup de potes qui sont neuroscientifiques qui vont voir de la physique. Et ils adorent. Parlons-en. De la physique. Mettons le doigt là où ça fait mal. Et par exemple, l'idée, c'est pas forcément de dire. C'est vrai que généralement, les gens qui vont voir des événements scientifiques. Alors, la première année, c'était surtout des scientifiques. Hein. On a eu 5% de gens qui n'étaient pas scientifiques la première année. Deuxième année, 24%. Quand tu dis, pardon, excuse-moi, qui n'était pas. Qu'est-ce que tu appelles un scientifique ? Ils n'ont pas fait d'études scientifiques, c'est hyper dur. Déjà, on pose plein de questions quand les gens prennent des tickets. C'est pour ça qu'on embête les gens à prendre des tickets online en fait, avant l'événement, parce qu'on a vraiment besoin de savoir qui on touche, en fait, pour savoir si on réussit notre mission ou pas. Et autant la première année, donc c'est scientifique. Pour nous, on considère les gens qui ont fait des études scientifiques après le bac. D'accord. Donc, qui ont en gros une éducation scientifique. Pas forcément des gens qui font de la science tous les jours, mais au moins qui ont une éducation scientifique. Voilà, on a décidé que c'était notre critère. Donc c'est vrai que la première année c'était 5%, la deuxième année 24%, et c'est déjà bien. Et je pense que effectivement c'est un peu réducteur se dire ils ont passé un bon moment, mais y a tellement de gens qui se disent, honnêtement, moi je suis scientifique et j'ai tellement de réactions de gens qui me disent, mais ah, mais la science c'est chiant, ah, mais t'as l'air fun, pourquoi est-ce que tu vas te faire chier à faire de la science, etc., etc. C'est pas la peine de chercher à me convaincre, hein, je fais des maths. Non, mais voilà, et voilà, et donc. Je suis dans le. Ah ouais, non, mais voilà, donc, combo. Je pense que c'est un combo. Non, mais. C'est un témoignage important, moi c'est pas ce qui m'arrive, donc ça m'intéresse qu'il y ait des gens à qui on dit ça. Moi j'ai pas vraiment de gens qui me disent, à part des amis très proches justement qui me disent que je suis chiant, mais c'est peut-être autre chose. C'est peut-être pour d'autres raisons. Moi c'est rare qu'on me dise que les sciences c'est chiant. Même pas, même au-delà de dire c'est chiant, c'est que des fois c'est fermé avant même tout contact, quoi. Ouais, moi au ouais. Palais j'ai des gens qui me disaient, je me souviens, on avait un petit test d'entrée pour la salle de casse-tête au Palais de la Découverte avec deux pièces en bois, c'est pas un casse-tête qui fait très peur. Et on disait, bah, pour rentrer, il faut faire le casse-tête. Et moi, il y a des gens qui me disaient, oh, je vais attendre dehors, moi, c'est pas fait pour moi. Ah oui, non, mais il y a des gens qui se disent directement. J'ai une amie qui nous racontait la dernière fois que dans l'avion, en fonction si elle avait envie de parler ou pas à son voisin, quand il lui demandait ce qu'elle faisait, elle disait soit qu'elle était astronome, astrophysicienne ou astrophysicienne théorique. Ah non, mais voilà, astrophysicienne théorique, c'est foutu. Le mec, il dira, bon, bah, on vole. Hein. Non, mais voilà, c'est triste. Barba mais Papiste c'est... à la gare du trône, à la foire du trône. Ok, donc on va enchaîner, je pense, parce qu'on ouais, est. Ouais, là, leur tourne. Ouais. Ouais, leur tourne. Donc on va arriver sur les retours des émissions précédentes. Tu participes Topo quand tu veux, en tout cas, Elodie. Ouais, pardon. Et merci. Oui, j'aurais envie de continuer à discuter, mais on fera peut-être ça, qu'on peut faire un peu après, de juste de pub. Où c'est qu'on peut trouver tout ce dont tu nous as parlé? Alors, d'abord, t'as un compte Twitter, toi, qui est Elocha19, c'est ça? Voilà, exactement. Moi, mon compte perso, c'est Elocha19. On a le compte Twitter de Pint of Science, donc qui est Pint of Science FR, parce qu'il y a beaucoup de pays différents. Après, on a la page Facebook, donc Pint of Science France, et on a le site web www.pintofscience.fr. Et donc, Pint, tout ça s'écrit P-I-N-T. P-I-N-T, exactement. Ça se dit Pint en anglais. Pint, je précise au cas où. Donc on peut dire Pint of Science ou Pint of Science, ça irait aussi, hein, mais... Sur ce, on peut passer au retour sur les émissions précédentes, et je crois qu'on a un retour d'abord sur la précédente roue libre, qui avait été assez chargée, hein, mine de rien. Je sais pas si tu te rappelles, oui, Topo, de ton intervention. Pas du tout, j'étais calme, sage, correct... Non, je vois pas de quoi tu parles. Donc, on a un message d'Adrien sur le quiz du mois qui nous dit « Salutations, merveilleuse équipe de Podcast Science. En écoutant assidûment la roue libre et notamment la partie sur les 2 litres d'eau par jour, j'ai un peu tiqué sur la notion de boire quand on a soif, ça suffit. En effet, dans nos cours de médecine, je suis étudiant en 6e année en France, c'est pas mal, il nous est souvent répété que la notion de soif n'est pas suffisante, en particulier chez la personne âgée. Il est bien évident que chez un adulte jeune et en parfaite santé, c'est un indicateur plus que satisfaisant, mais dès qu'il y a une anomalie d'organes, et en particulier du rein, les systèmes d'équilibration et d'alerte peuvent être dépassés. Le deuxième problème est que lorsque l'apport d'eau est faible, le rein va être capable de continuer son travail d'équilibration hydroélectrolytique, mais aux dépens de sa propre santé. Alors à terme, on peut avoir des apparitions d'insuffisance rénale chronique, d'autant plus que les pays occidentaux consomment de grandes quantités de viande dont la dégradation demande un travail supplémentaire aux reins. Tout ça pour dire que les 2 litres d'eau par jour ne sont certainement pas une vérité absolue, mais une recommandation de santé publique, tout comme les 2000 kilocalories et 5 fruits et légumes, ça on en entend déjà parler, qui permettent de passer un message intelligible afin d'éviter la saturation des services de réanimation. Désolé si mon message n'est pas très clair, j'aurais voulu faire un joli truc bien documenté, mais on me dit qu'il faut que je retourne bosser mon concours. Ah, je croyais que c'était sur un patient, donc ça va. En tout cas, merci pour votre émission, que j'écoute avec toujours autant de plaisir et que j'ai pu voir s'ajouter à mes quelques autres patronages. Oui, donner des sous par Patreon. Continuez de servir la science pour notre joie. Adrien. PS, l'article Wikipédia anglais sur la soif est pas mal. Il nous envoie un lien vers cet article Wikipédia en anglais. Sur Thirst, les troubles dus à l'apport excessif d'eau sont assez rares par rapport à ceux du fait de la déshydratation, uniquement la potomanie, qui est une pathologie psychiatrique, ou bien les bizutages étudiants. Merveilleux. Pas de commentaires, du coup on va passer à un message de Geoffrey. Salut à tous. Pour ceux qui ne sont pas fâchés avec l'anglais, je recommande la chaîne YouTube Numberphile qui a traité le sujet des nœuds dans une poignée de vidéos. Je pense notamment aux deux dernières, The Shape of DNA et How DNA Unitize Its Own Knots. donc la forme de l'ADN et comment l'ADN défait ses nœuds, ses propres nœuds. Hentai. Ouais, hentai, je l'avais mal lu. Comment l'ADN défait ses propres nœuds. Tu penses à un hentai japonais? Ouais, c'est ça. Donc, il y a des épisodes qui font le lien entre la topologie et la biologie, ce que je trouve particulièrement classe. Au passage, je recommande aussi les chaînes de Computer File, 60 Symbols, Deep Sky Videos, Periodic Video, etc. C'est le même concept que Number File appliqué à d'autres disciplines et c'est vraiment très agréable à regarder. Petit aparté sur la sensation de soif chez les personnes âgées. J'ai été un peu loin avec mon « ne ressente pas la soif ». Mais il faudrait savoir, vous voulez une réponse courte ou pas? En discutant avec du personnel de gériatrie, j'ai appris que 1. Les personnes âgées se plaignent tardivement de la soif, et si vous anticipez en leur proposant spontanément un verre d'eau, certaines vont avoir tendance à le refuser et voire même avoiner compieusement si vous montrez insistant. 2. Elles souffrent aussi de symptômes qui peuvent être confondus avec la déshydratation. Certaines ont toujours la gorge et la langue sèche parce qu'elles respirent par la bouche. Elles ont déjà la peau sèche et un peu élastique et elles peuvent avoir des vertiges et des maux de tête pour tout un tas de raisons, effets secondaires d'un médicament par exemple. 3. Pendant la canicule, ce sont les personnes âgées qui finissent le plus souvent à l'hôpital. Il n'y a personne pour leur rappeler de boire. Juste un mot. Je ne vous en voudrais absolument pas si vous ne lisez pas tout ce que j'écris à l'antenne. Je sais, je suis très bavard. Pourtant, je jure que j'ai l'impression de résumer. Je me relis et je coupe même des parties. Si, si, bonne continuation. Ben, merci Geoffrey, c'était un complément qui me paraissait tout à fait intéressant. Moi, personnellement, je pense que la conclusion de ces trois points, c'est ne vieillissez pas. Ouais, ouais, c'est plutôt que, pas mal, ouais. Grosso modo, de penser à boire quand on est vieux, c'est quand même important, mine de rien. Aussi, ouais. Mais bon, surtout, ne vieillissez pas. Et si vous vieillissez, pensez à boire. Voilà. Je crois qu'on n'a pas encore réussi à soigner le vieillissement. Mais c'est Google qui veut considérer maintenant, qui considère que le vieillissement, c'est une maladie. Et qui veulent la soigner. Ben, c'est un sujet extrêmement important de la recherche. Il y a des modules de vieillissement, etc. pour le traiter non pas comme juste quelque chose qui arrive dans la vie, mais comme des symptômes à traiter. Avec, d'ailleurs, si on peut lyncher l'info, c'est un des intérêts récents des frères Bogdanov. Oui, bah. tu parles des seuls auteurs qui nous aient cités dans une bibliographie de bouquins, c'est ça? Ouais, parce qu'il y aurait pu avoir Robin, mais ça s'est pas fait. Ouais, c'est dommage, hein. Je vous écoute encore, frères... les enfants, on se calme. On a été cité comme référence des frères Bogdanov. C'est la classe. Voilà, c'est le moment où tu te dis il faut arrêter. Vulgarisation, ça a bien 5 minutes, mais il ne faudrait pas défendre la carrière non plus. Quoi. Le point Bogdanov vient d'être atteint, comme dit LJJ. Ouais. Ah, passons à la suite. Alors, c'est pas exactement un retour sur une émission, mais un retour sur les pitchs. Au matin du 30 octobre, Alan a reçu un colis à la maison. Il contenait plein de petites brioches de la marque. Ah oui, Peach. J'étais là. C'est vrai? Ouais. Tu les as mangés, c'était bon. Donc, c'était la veille de la Nipconf. J'étais devant, j'étais là quand on a reçu le colis, ouais. Donc là, on est en train de faire de la pub pour Peach ou bien C'est ça, mais ça vaut le coup parce que c'était accompagné d'un mot, c'est-à-dire le mot suivant. Bonjour. Après plus de 200 numéros, j'ai toujours tendance à saliver quand j'entends le pitch de la semaine prochaine. Merci pour ces podcasts toujours intéressants, Adrien. Est-ce que c'est le même Adrien qui nous a fait ce message au début là? Je sais pas du tout parce que je crois qu'il n'y avait pas plus d'infos que ça, mais ça, c'était très drôle. Alors Alan comptait partager les pitchs avec l'équipe, si si vraiment, mais ils n'auront malheureusement pas vécu assez longtemps. Je pense que Nicotube, tu en es pour une des raisons. Non, j'en ai pas mangé. Ah. Alors désolé Adrien pour ce conditionnement pavlovien. Tu t'es bien vengé. Alan aussi va saliver à partir de maintenant à chaque occurrence de pitch. En fait, mais moi aussi, là. Blague à part, un immense merci. C'était vraiment une chouette surprise. PS d'Alan, sorry Adrien, je voulais t'envoyer un petit mot de remerciement. Il y avait ton adresse email sur l'étiquette, mais j'ai oublié de la prendre en photo avant que le carton ne finisse au recyclage. Toutes mes excuses. Et il envoie vers un lien d'une image Dropbox qu'on peut peut-être mettre sur la chatroom. On a eu un retour sur la première partie de l'épisode Cosmographie, mais en fait, on y répond dans la deuxième partie, mais je vais juste refaire un petit point là-dessus. Bonjour, serait-il possible de revenir lors du prochain épisode sur une question qui me tarabuse depuis une semaine? Comment pourrions-nous être dans un univers isotrope et homogène, étant donné que son extension actuelle qui va en s'accélérant, et le fait que nous sommes loin d'être en son centre? Ça me vrille le crâne. Merci, et tellement heureux de vous écouter religieusement. Le hic, je dois faire flipper un peu dans la rue, dans le métro, le casque aux oreilles et le rewind 15 seconds, le rewind 15 secondes sous le pouce. Donc en fait, on y répond en partie dans la deuxième partie avec Robin d'ailleurs. Parce qu'en fait, ça veut rien dire qu'on n'est pas au centre de l'univers ou qu'on est au centre de l'univers. C'est comme si tu disais que tu étais au centre de la surface de la Terre. Il n'y a pas de centre à la surface de la Terre. Et donc, tu vois bien que si la Terre double, c'est comme si l'univers s'écarte, tu auras toujours l'impression que tu as la même chose de tous les côtés. Il faut le voir comme ça, en fait. Il ne faut pas voir comme un univers 3D. Il faut voir comme une vision 3D qu'on a de l'univers dans un univers en dimension supérieure. Donc, un peu comme si tu étais sur la surface de la Terre. Voilà. Et si on dit que on est systématiquement au centre, c'est parce que tout simplement on parle de centre de l'univers observable, c'est ça ? Non, c'est parce que ça n'a pas de sens de dire qu'il y a un centre ou pas. Oui, non, mais quand on parle justement de centre de l'univers, généralement qu'il y a. Oui, donc on est au centre de l'univers observable, mais dire voilà, l'univers, ouais, un centre. Alors il y a une vidéo, je sais pas du tout ma spécialité, ça. Y penser fait une super vidéo sur ça, sur les 10 choses que vous devez savoir sur l'univers, où il explique ce genre de choses. C'est ça. Ouais. Où il parle d'homothétie, où il parle. Vincent, je te conseille d'aller l'écouter. Si je pense qu'il y répondra beaucoup mieux que moi. Très bien. Maintenant, moi, j'aimerais bien faire juste un petit commentaire quand même sur le vocabulaire de nos auditeurs, de poditeurs, puisque là, tout à l'heure, on a parlé d'avoiné, lui, il parle de tarabusté, mais c'est... Enfin, on est au 21e siècle, les gars. Il parle bien, écoute, c'est tout. Ils sont pas jaloux. Je vais avoir des messages de haine. Tu sais, on pourrait avoir des gens qui parlent en kikou, je trouve que c'est beaucoup plus agréable, quoi. Bon, ça me tarabustait comme voilà, ça te... comme réaction. Très bien. Sur ce, pour parler de vieilles personnes justement qui ont du vieux vocabulaire, on passe à la rubrique passons au vote de Joanne. Dernier commentaire qui vient d'arriver. Bonjour à tous. Donc c'est un dernier commentaire de Marion. Bonjour à tous. J'ai commencé à écouter votre émission il y a peu et je tenais à vous dire que je l'adore. Moi qui n'y connais pas grand-chose en science, tout est très clair. Et bien expliqué et les sujets toujours très intéressants. Je vous écoute en faisant du sport, vous êtes responsable de ma bonne santé. J'arrive un peu après la bataille, mais j'ai une question au sujet de la synesthésie. Je suis synesthète, graphème couleur. Donc pour rappel, en essayant de ne pas dire de bêtises, c'est les gens qui voient des couleurs quand ils voient les chiffres, des couleurs et parfois des sons aussi. Ou les odeurs, les lettres aussi, pas que les chiffres. Et les lettres, les chiffres, les lettres, et qui associent ça à des couleurs et des odeurs, il me semble, c'est ça hein. Bah là, c'est graphème couleur, donc c'est là, juste couleur. C'est juste des couleurs. Quand il voit des lettres, il voit des couleurs. Et donc là, je reprends, et je viens de commencer à apprendre le russe, qui a donc un alphabet différent du nôtre. Je me demandais comment les synesthètes voyaient un nouvel alphabet. Pour ma part, c'est assez flou. Les couleurs se mélangent un peu entre la forme de la lettre et le son de cette lettre. Par exemple, le I que je vois habituellement en rouge s'écrit comme un N à l'envers en russe, que je vois donc vert comme le N latin. Mais quand j'entends ce son et que je me le figure, je le vois rouge. Bref, c'est un peu le bazar dans ma tête. Avez-vous eu des retours sur le sujet ? J'espère que je n'ai pas été trop confuse. Merci par avance de votre réponse et merci pour vos super émissions. J'avoue que j'adore. De toute façon, j'adore à peu près tous les commentaires des synesthètes sur ce dossier-là, qui posent des questions toujours assez intéressantes. Et je n'ai aucune idée de la réponse. Moi non plus. J'ai vraiment... Ça, c'est vraiment quelque chose... Je vais chercher un petit peu, je suis pas sûr qu'il y ait des choses. Je vais chercher, mais je trouve que c'est super marrant. Parce qu'effectivement, il faudrait vraiment se poser des questions. C'est hyper intéressant. Ça mêle science et expérience. Ça doit être assez fascinant pour les neurobiologistes qui bossent dessus. Ah, d'ailleurs, Elodie, si tu vois, tu as une idée sur la question. J'ai pas d'idée du tout, en fait. C'est ce que j'étais en train de me dire. J'étais en train de me faire toute petite dans un coin en me disant « Mais ils vont pas me demander ». J'ai aucune idée. Et ouais, les synesthètes qui apprennent le japonais par exemple. Ouais, non, c'est une bonne question. Là. Ça doit être dingue. Ça doit être bizarre. Et les synesthètes, c'est là où on se met à tous à être jaloux de pas être synesthète, quoi. Il y a une artiste qui a non pas trois récepteurs de couleurs, mais quatre, et elle voit plus de couleurs que la moyenne en fait. Mais ah ça, ouais. Ça doit être top, mais en même temps, elle doit même pas s'en rendre. Enfin. Ah si, elle s'en rend compte. Ouais. En fait, c'est toujours le passage. Pour s'en rendre compte, il suffit de considérer comment voit quelqu'un qui est daltonien. Ouais. Donc, oui, il est tout à fait capable d'envisager son environnement. Et nous, on est capable de voir plus d'informations sur l'environnement. Mais c'est vrai. Et elle, c'est encore plus, quoi. Voilà, elle appréhende d'autres choses. Si tu penses, je sais pas moi, des abeilles qui sont capables de voir dans les UV, d'autres organismes qui sont capables de voir dans les infrarouges, etc. C'est plus d'informations. Donc, Alors, si elle était synesthète, ça, à mon avis, c'est... Moi, j'ai une question de geek. Est-ce qu'on peut considérer ça comme un super pouvoir? Moi, je dis un peu, non? Pour connaître des gens qui sont synesthètes, ça peut en tout cas poser des problèmes. J'ai une collègue avec qui je m'entends très bien qui est synesthète. Elle a un énorme problème avec les lignes de métro qui ont des couleurs. Parce que c'est un numéro et des couleurs. Et ah oui, c'est marrant. Ça ne correspond pas bien. Les couleurs ne sont pas les bonnes. Le problème, c'est que la ligne 7 est rose alors que le 7, c'est bleu. Et du coup, c'est hyper compliqué. C'est pas logique. Ah, ça doit être atroce. Ouais, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Ouais. Du coup, elle se demande toujours pourquoi ils ont mis un rond bleu au milieu d'une ligne rose, quoi. Ouais, c'est comme tous les super-héros. Ils ont un super pouvoir, mais aussi non seulement déjà des super responsabilités, mais aussi parfois des faiblesses. Ouais. Et elle, c'est prendre le métro, quoi. C'est clair qu'on y pense pas. C'est sa kryptonite. C'est sa kryptonite. Superman dans le métro est toujours tout perdu. Non, je sais pas où elle est. Je pourrais lui poser la question si vous voulez, parce qu'elle est fan du Japon. Elle va tout le temps au Japon. Donc si ça se trouve, les caractères qu'elle voit là-bas, ça peut le. Je sais pas. On aura un élément de réponse. La synesthésie, c'était un épisode qu'on avait fait, donc c'est l'épisode 33 et qui attire toujours beaucoup de commentaires et de retours. Ça marche bien. Et en plus, des commentaires pas gênants comme on a dans certains autres sujets un peu médecine et compagnie. Là, c'est toujours des choses assez intrigantes, quoi. Et des témoignages intéressants. Donc, merci Marion. Et du coup, on va passer à la nouvelle rubrique. Ok, donc c'est une nouvelle rubrique que je voulais faire. Ça s'appelle « Passons au vote ». Et c'est les relations, en fait, donc que les hommes et les femmes politiques entretiennent avec la science, donc un peu en général. Par exemple, mais pas forcément exclusivement, je ne sais pas de quoi seront faits les prochains épisodes, lorsqu'ils décident de se mêler de ce qui ne devrait pas vraiment les regarder et votent pour ou contre des faits scientifiques. Alors tout de suite, en fait, je voulais faire une petite mise au point parce que j'avais peur qu'on me le reproche, donc au début de la première chronique. Je voulais pas qu'on pense que les représentants élus du peuple n'ont pas voix au chapitre quand il s'agit de science et en particulier de technologie. Par exemple, j'ai pas forcément le même point de vue que vous sur les OGM ou le nucléaire, pour prendre des exemples un peu polémiques. J'ai tendance à penser que mon avis est fondé sur des faits scientifiques, je me trompe peut-être. Des avis scientifiques publiés et revus par des pairs, mais ça ne m'empêche pas de penser que les questions de société reposant sur la science doivent être sanctionnées par un vote ou décidées par des représentants élus et donc par un groupe de technocrates. Et même, par exemple, pour les questions où je suis convaincu que mes opposants ont une position vraiment dangereuse, comme par exemple les vaccins. Et donc, ça veut dire que c'est aux scientifiques de communiquer et d'expliquer au peuple, aux contribuables, aux élus, les résultats de leurs recherches et les implications de leurs décisions sur les sujets complexes. Donc, ce que je veux parler dans cette chronique, donc, c'est les moments où les hommes politiques ont voté sur des faits scientifiques. Pour reprendre l'exemple du nucléaire, une assemblée peut voter pour ou contre l'utilisation de cette source d'énergie, mais il serait vraiment étrange qu'elle débatte sur le fait que la matière est constituée d'atomes. Et donc, c'est pourtant ce qui est arrivé plusieurs fois sur ce à quoi se sont amusés nos corps législatifs. Donc, dans ce premier épisode, on va parler de fruits et légumes. Pour rappel, le fruit, en botanique, c'est l'organe végétal contenant une ou plusieurs graines. Les dictionnaires de la langue française informatisée qui me dit ça. Toujours aussi solide sur son site assez rétro. Et donc la paroi de l'ovaire, c'est la chair du fruit, c'est ce qui s'appelle le péricarpe du fruit, et l'ovule, c'est la graine. Du coup, tout de suite, la petite quiz, où je vais demander aux autres gens du podcast d'essayer de deviner, est-ce que les choses suivantes sont des fruits? Donc, premier exemple simple, la pêche. Oui. La tomate. Oui. Un petit pois. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'il faut considérer qu'il y a une cosse autour. Ah donc oui, le petit pois tout seul ou le petit pois avec sa cosse? Le petit pois tout seul. Bah, c'est une partie du fruit. Donc, c'est plutôt vrai. La graine, non? Oui. Ouais. Donc, c'est pas le fruit. Enfin, je sais pas. C'est du fruit, tu vois. La noix de coco. C'est un fruit? La noix de coco est un fruit, ouais. Mais c'est pas le cas de toutes les noix. Mais c'est facile avec vous aussi. Moi, ça, je sens de trouver des questions difficiles, mais je ne savais pas qu'il y aurait des biologistes partout. Ils sont partout. Et la fraise. Oui. Alors, c'est un faux fruit, non? Ah oui, c'est vrai. Parce qu'il y a les petites graines autour, je ne sais pas quoi. Là. Voilà, c'est les petites graines, en fait. En fait, c'est juste l'albumène qui est gonflé et qui porte les graines. Et quand tu vois les graines, en fait, tu t'aperçois que c'est un mini-fruit, quoi. Donc en fait, sur la fraise, ouais, la fraise n'est pas le fruit, c'est les graines, tous les fruits. Donc il y a plein de fruits sur une seule fraise. Voilà. Donc ça veut dire que quand on mange une fraise, on mange largement plus que les 5 fruits et légumes par jour. Tout à fait. Et là-dessus, on vous conseille plus que jamais la vidéo de Dirty Biology qui s'appelle « Les fruits sont des ovaires dégueulasses ». Ah oui, elle est bien celle-là, ouais. Après, bon, si on est parti pour faire de la pub, moi aussi j'ai fait un article sur Saft sur le potager pour les noobs, dans lequel j'explique la différence entre les fruits et les légumes, etc. Et pour dire qu'en fait, il y a... le terme fruit, c'est un des rares termes botaniques, mais après tout le reste, légumes, ça n'a pas de sens en fait. Et bah si, en fait, justement, parce que... Eh bien non, je peux te dire. J'ai regardé sur le dictionnaire, voilà, donc il y a une définition de fruits en botanique, de légumes en botanique. Ah, de légumes, c'est légumineuse, c'est pas légumes. Non, c'est légume qui est le fruit d'une légumineuse, justement. Ah, pff, oh là là. C'est donc, mais bon, effectivement, c'est pas du tout la définition, comme tu dis, c'est pas du tout la définition commune. La définition commune, c'est partie comestible d'une plante potagère. Donc, en fait, c'est pas la définition botanique est très peu utilisée. Ce qu'on utilise, c'est la définition culinaire, c'est-à-dire ce qui se mange dans une plante, en fait. Par exemple, Victor Hugo, dans Les Misérables, quand l'ortie est jeune, la feuille est un légume excellent. Donc en plus d'une feuille, ça peut être un bulbe, une racine, un tubercule, une fleur, une graine ou un fruit. Donc un légume, ça peut être beaucoup de parties d'une plante, mais pas forcément, enfin, c'est pas du tout exclusif par rapport aux fruits, parce que il y en a une qui a une définition biologique et l'autre, botanique, et l'autre qui a une définition culinaire, dans son sens le plus majoritairement admis. Mais donc, c'est un peu plus compliqué pour les juristes, parce qu'en effet, donc, la loi douanière américaine du 3 mars 1883 imposait en effet des droits sur les importations de légumes, mais pas sur les fruits. Et certains importateurs de tomates, donc nommés John Nix, John W. Nix, George W. Nix et Frank W. Nix, donc qui devaient sans doute être quatre frères, j'ai pas trouvé l'info, décidèrent en 1993 d'attaquer Edward Hedden, trésorier du port de New York, pour récupérer des taxes contestées, au motif que la tomate était, on l'a vu, objectivement un fruit, botaniquement parlant. L'affaire remonta à la Cour suprême américaine et devint l'affaire Nix contre Hedden. La procédure fut en grande partie basée sur les définitions des dictionnaires de langue anglaise Webster, Worcester et Imperial Dictionary sur le sens commun et scientifique de fruit. Wikipédia nous précise ainsi, je vais citer beaucoup Wikipédia parce que je trouve que la page est vraiment, vraiment très drôle et que je pense que je lui ferai perdre de la saveur en paraphrasant. Donc Wikipédia précise, l'avocat du plaignant comme celui du défendeur se référait au dictionnaire. Le premier lut comme pièce à conviction les définitions des mêmes dictionnaires du terme tomate, tandis que le second lut ensuite les définitions du dictionnaire Webster des termes pois, aubergine, concombre, courge et piment. Le plaignant répliqua ensuite en lisant les définitions des dictionnaires de pommes de terre, navets, panais, chou-fleur, choux, carottes et haricots. On fit venir donc des spécialistes de l'importation des fruits et légumes, et l'un d'eux déclara « Les dictionnaires ne classent pas toutes les choses, mais sont exacts dans leur domaine. Ils ne considèrent pas toutes les sortes de fruits et de légumes, mais seulement une partie d'entre eux. Je pense que les termes fruits et légumes ont la même signification dans le commerce que celle qu'ils avaient avant le 1er mars 1883, où date la loi sur les taxes d'importation. Je comprends que le terme fruit s'applique dans le commerce seulement aux plantes ou parties de plantes qui contiennent des graines. Il existe d'autres légumes que ceux cités dans l'énumération donnée par le dictionnaire Webster sous le vocable légumes, comme choux, choux-fleurs, navets, pommes de terre, pois, haricots et autres, probablement couverts par l'expression et autres. Voilà, donc finalement, après plusieurs jours de débat, la Cour rendit son jugement et décida à l'unanimité que la tomate n'était pas un fruit. Le juge Gray cita plusieurs arrêts de la Cour suprême et déclara que lorsque les mots avaient acquis une signification particulière dans le commerce, leur sens courant devait être reconnu par la Cour. Dans cette affaire, les dictionnaires ne pouvaient être retenus comme élément de preuve, seulement comme aide pour la mémoire et la compréhension de la Cour. Gray reconnut qu'en botanique, les tomates sont classées comme des fruits d'une plante grimpante, néanmoins, elles sont considérées comme légumes, parce qu'elles sont habituellement consommées dans le plat principal et non pas en dessert. En prenant cette décision, le juge Gray rappela une affaire où le juge Bradley, dans l'affaire Robertson contre Salomon, admit que bien qu'un haricot soit en botanique une graine, dans le langage courant, il est considéré comme un légume. Et puis, il faut bien aussi, il conclut donc sur le même sujet pour éviter d'autres procédures, en clarifiant les cas du concombre, de la courge, du pois et du haricot, qui étaient donc aussi considérés comme des légumes. Ah là là. Et c'est pas terminé parce que du coup, Nico me rappelait une anecdote croustillante, donc beaucoup plus récente. On parlait tout à l'heure des cinq fruits et légumes, oui, et du coup, c'est comme beaucoup de gens ont fait cette blague, oui, quand tu manges une fraise, tu manges beaucoup plus de ça. Ou alors, manger cinq fruits et légumes par jour, c'est simple, mais quand tu veux faire cinq pastèques, c'est pas évident. Du coup, en fait, à quel moment, à partir de quelle quantité, à partir de combien, enfin, de quelle quantité de tomates on définit un légume de tomates, en fait? Et en fait, c'est une question qu'en 2011, le département de l'agriculture américain s'est posé et a voulu passer une loi pour rehausser les standards sur ce qui est considéré comme légumes aux États-Unis pour faire des menus plus équilibrés dans les cantines et réduire les problèmes d'obésité. Pour rappel, 22 États sur 50 ont un taux d'obésité supérieur à 30% de la population avec son cortège de diabète et de maladies cardiovasculaires. Et donc, il s'agissait de définir quelle quantité de sauce tomate est considéré comme une part de légumes. Ce qui, donc, vous imaginez bien que le débat, ce n'est pas vraiment concentré sur le gazpacho, mais plutôt autour des quantités nécessaires pour faire une pizza. En fait, les propositions du département de l'agriculture étaient justement que la quantité de tomates nécessaire pour constituer une part de légumes était, dans une cantine, était de un demi-verre supérieur à celle qu'on pouvait mettre sur une pizza sans la considérer comme une tarte à la tomate. Du coup, entre autres sabordages de la loi, parce qu'il y a eu beaucoup de sabordages par les lobbies de cette loi pour faire autoriser des trucs qui n'étaient manifestement pas bons pour la santé, le Congrès a abaissé cette limite à 2 cuillères à soupe, je crois, pour satisfaire à la fois les lobbies alimentaires, mais aussi les écoles qui avaient réalisé que si on permettait nourrir les enfants avec leur petit budget, si on enlevait la pizza, ça allait devenir compliqué. Donc la limite à partir de laquelle la sauce tomate est un légume a donc été fixée à 2 cuillères. Et donc ce qui est suffisant pour mettre sur une pizza et ce qui a donc été interprété dans la presse comme la pizza est maintenant un légume. C'est merveilleux. Moi je mange un légume ce soir. C'est bien ça, pas mal. C'est terrifiant. Je pense que c'est même une part de pizza en fait qui est un légume du coup. Ah oui, peux manger tes 5. J'ai mis 5 fruits et légumes. Non mais c'est magique, ouais. Et donc oui, pour parce qu'en plus, oui, quand tu regardes dans le détail la loi, ils se sont attaqués aussi, parce qu'il y a eu les fabricants de pommes de terre qui ont trouvé qu'il fallait qu'on continue à bouffer des frites, les fabricants de fromage qui continuent à bouffer des pizzas. Donc en fait, chaque lobby s'est attaqué à la loi, chacun de son côté, ce qui fait qu'à la fin, cette loi qui était en origine un truc anti-obésité s'est retrouvée en fait pas vraiment... Efficace, ouais. Exactement, ouais. Moi, ma question, c'est à partir de combien de minisa on mange un légume ? Tu sais, les minisa, les petites... Les gâteaux apéritifs. Ouais. je suis pas sûr. Il n'y a pas de tomate là-dessus. Si, il y a un truc rouge là, c'est quoi ? Ouais, il y a un truc rouge, c'est ça. Mais je pense pas que c'est de la tomate. C'est comme t'as des biscuits au bacon, en fait, il n'y a pas une trace de viande à l'intérieur. Bah parce que le bacon, c'est pas de la viande, enfin, voyons. Il est fou. Non, mais je sais, parce que j'avais un pote végétarien qui pouvait en bouffer. Bah voilà. Ma magie. J'ai découvert que la Guinness allait changer sa recette parce qu'ils utilisaient du poisson dedans. Et donc la Guinness n'est pas végétarienne. Désolé pour les végétariens qui aiment bien la bière dans la chatroom. Non, mais... Ce soir, on a dit qu'on parlait que de vraie bière, de Corona, de Crow et de Sapporo. Mais non, de Guinness quand même. Là. S'il vous plaît. Oui, donc voilà. Donc la Guinness n'est pas végétarienne. Mais ils vont changer la recette pour qu'elle le devienne. Parce qu'ils utilisent une partie d'un poisson, je ne sais pas exactement quoi, pour filtrer la bière. Les yeux, je pense. Je dis n'importe quoi. Ça donne encore plus envie. Comme j'aime pas la Guinness, moi, tout ce qui peut me convaincre que c'est vraiment une boisson des démons. Avant qu'on en arrive aux excréments, on va peut-être passer à la suite. Oh non, bah en même temps on parle de Guinness, excuse-moi. On parle très très rapidement des dons, parce que je suis désolé, j'ai pas beaucoup fait mon boulot là. Les dons, on n'a toujours pas dépassé le deuxième palier du nombre cake, je croyais qu'on en était prêt, mais en fait pas tant que ça. Donc on est à $260 par mois, ce qui est déjà merveilleux, sauf que pour l'instant on touche pas l'argent parce qu'on a des démarches administratives à faire, mais ça ne saurait tarder. Mais Patreon nous le garde de côté, en tout cas merci beaucoup, on est très très contents. On a des nouveaux souscripteurs à la carte postale, donc on va contacter sous peu. Je devais le faire la dernière fois, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire cette fois-ci. Et puis voilà, pour les nouvelles des dons, ça suit son cours. Donc c'est chouette, c'est la joie, la bonne humeur. Merci beaucoup. On ne pensait pas que ça aurait autant d'efficacité si rapidement, enfin, que vous répondriez présent. Ça fait très plaisir. Donc, bah, continuez. Je vais en profiter. Moi, j'ai reçu une carte de Billy, d'ailleurs. Oui, moi aussi, tiens. Moi aussi, avec merci, Billy. Des lamas et des tatous. Donc, merci Billy. Tout à fait. Ouais, merci Billy. Et pour les dons, faut donner. Voilà. D'accord. C'est ça. Pour les dons, on vous tiendra au courant de ce pourquoi on les utilise. En particulier, on va les utiliser donc comme on va vous le dire sur une des prochaines soirées radio dessinées pour essayer de faire venir des dessinateurs depuis loin. Et donc on réfléchit en ce moment exactement à comment investir. De toute façon, comme d'habitude, on vous le dit. En fait, si on vous le dit pas plus souvent, c'est surtout parce qu'on fait rarement des dépenses avec les dons. En fait, à part les soirées radio dessinées et parfois très ponctuellement du matériel, on les utilise plus ponctuellement comme ça que de manière récurrente, sinon on vous le dirait. Et voilà, ma foi. Mais donc, comme disait Johan, il y aura pour la soirée, et puis peut-être un tout petit peu de matos par-ci, par-là, pour ceux qui en manquent, peut-être des logiciels aussi. On est un peu en train de regarder ça. Et voilà, toujours pour une émission meilleure, plus joyeuse, etc. Et peut-être, éventuellement, qu'un jour, on paiera une bière à Pouillot, on verra. Ah ouais, ce serait quand même sympa. Mais une Corona, alors. Quand il aura gagné son concours. C'est ça. Donc, il y a un pitch, là. Ok, donc le pitch, alors donc c'est l'épisode de la semaine donc, prochaine, c'est donc la suite de la cosmographie. Donc la semaine dernière, je vous avais parlé de la proche banlieue de notre univers, jusque donc aux étoiles proches. La semaine prochaine, je fais la seconde partie de mon dossier sur donc au-delà, donc la galaxie, les galaxies autour, le groupe local, les clusters de galaxies, les amas de galaxies, les super amas de galaxies et l'univers entier, voilà. Pour finir de répondre à la question, où sommes-nous ? Est-ce que ce sera là où il y aura, on peut faire peut-être un teaser, un gif animé de Bonalois ? Je ne l'ai pas mis, il était en ligne, mais il est sur la page Facebook. Super. Je l'ai utilisé comme teaser sur la page Facebook. On passe au quiz et dictateur suppléant, je te laisse parler. Ok, donc le dictateur ancien dictateur nous a préparé un quiz. Le dictateur ancien après m'a donc laisse le dictateur actuel le lire. Donc c'est un quiz d'Alan qui cherchera donc bien sûr la réponse comme d'habitude. Vous contentez de donner votre info et donc le quiz est adapté votre réponse et Alan cherchera les références scientifiques. C'est un quiz adapté donc à notre invité de ce soir. La bière après le sport, ça aide à récupérer info ou intox? Un avis, Elodie? Moi, je dis info. Forcément. Donc voilà, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'on peut aller à Pint of Science, pour récupérer Pint of Science, pour récupérer de sa séance de sport, ou pas. Bah, ou pas, d'ailleurs, mais ça fait toujours du bien, je pense, au moins moralement, d'avoir une petite bière après le sport. Tout à fait, ou pas. Voilà, bah, au moins, on se fatigue pour quelque chose. Donc maintenant, on promeut l'alcoolisme. Très bien, ça va. Non. C'est ça, non. Le nouveau dictateur. Non, très bien. Avec modération, toujours, bien sûr. Le jour où ça passera que les levures sont un fruit ou un légume. Ah ouais, mais. Mais ce sera le bonheur. 5 bières par jour. Levure, c'est un champignon, c'est pas loin. Faut faire un effort là, faut faire un lobby. Je pense que c'est le futur. En tout cas, tu peux savoir d'où peuvent venir tes prochains financements de Pint of Science si tu promeus ça. Le lobby de la levure, tout à fait. Bonne idée. Bah écoute, je pense qu'on va mettre ça en œuvre. Voilà, hein, donc on en parle après l'émission. la soirée plaisir. Nous avons l'honneur et la joie et le bonheur et l'immense félicité de vous annoncer que nous allons organiser une soirée plaisir le 16 janvier 2016, car Podcast Science organise une nouvelle émission radio dessinée. Et cette fois-ci, c'est Alan qui nous invite. Rendez-vous à Lausanne. Et 70 fois plus qu'une, on dira que le titre, ce n'est pas la soirée plaisir, c'est Science ou plaisir, pourquoi choisir ? Alors, le thème de la soirée, vous l'aurez bien compris, c'est entre dossiers passionnants et superbes dessins, ce nouvel événement s'annonce tip-top, qu'il faut que je dise en accent suisse, tip-top. Parfait. Et comme pour Podcast Science sort du placard, il y aura certainement un petit resto qui sera organisé pour prolonger la soirée. Les inscriptions se feront via un formulaire en ligne, dont le lien sera partagé sur les réseaux sociaux et via la newsletter dès la semaine prochaine. Donc, venez nombreux à Lausanne. Et comme ça, on essaierait d'apprendre des choses et certainement manger des fromages curieux, du chocolat, et voilà quoi. Je crois que le nom de l'émission va peut-être changer. Il y a Ewi qui propose Porn Science. non, mais ça, on a déjà fait, en fait, le sexe. Ah oui, mince, c'est juste le plaisir L'amour sans est dans sexe. La pipette. J'avais oublié. Cool, bon moi j'en serai pas, mais ça s'annonce très sympathique, je suis très déçu de ne pas pouvoir venir. On a un autre tout petit plug, c'est qu'enfin, après l'avoir annoncé il y a 2-3 mois, on a une chaîne YouTube qui se met à jour régulièrement, qui est un peu plus présentable, à tel point que j'ose ce soir vous en parler. Donc si vous avez envie de suivre l'émission via YouTube, que vous commencez à être abonné à plein de chaînes, abonnez-vous à notre chaîne. Donc maintenant je mets les épisodes en même temps que je les publie sur les autres réseaux, c'est-à-dire sur SoundCloud, sur SoundCloud en fait. Et que je les publie sur les réseaux sociaux. Il y a un épisode sur YouTube. Pour l'instant, c'est très sommaire, c'est-à-dire il y a une image fixe, mais au moins, si vous voulez vous abonner, vous avez le même son et vous pouvez l'écouter via YouTube si vous avez envie. Et en ce moment, je suis à un bon rythme d'une émission passée par jour. Je suis en train de rattraper la saison 6, puis après, je passerai aux saisons précédentes, histoire qu'il y ait tous les épisodes qui soient sur YouTube. Donc, abonnez-vous, quoi. Voilà, voilà. À vrai dire, je me suis motivé là-dessus, c'est parce que YouTube a lancé aux États-Unis, et du coup, ça devrait arriver en France, YouTube Music, qui en fait est une appli où tu écoutes YouTube. C'est très bizarre à dire comme ça, parce que sur YouTube, tu peux pas uploader des sons, c'est pas possible. T'es obligé de les convertir en vidéo, mais le fait est qu'ils ont sorti une appli musique parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent pour écouter des choses, quoi. Et je le fais fréquemment, je mets des playlists, etc. Ça va être dramatique pour plein de youtubeurs, mais même les y penser et tout ça, moi je les écoute plus que je les regarde. Donc c'est triste pour eux parce que ça leur demande vachement de boulot, mais le fait est qu'en fait souvent je switch sur eux quand je sens qu'ils sont en train de montrer un truc et qu'il faut que je regarde. Ouais, je pense que ça aussi il y a un biais parce que tu as une certaine habitude des podcasts, mais c'est vrai que c'est pas forcément l'utilisation. En tout cas voilà, le résumé c'est abonnez-vous. Elodie, est-ce que tu as fait tes devoirs? Est-ce que tu es venue avec une citation, une quote? Oui, tout à fait. Ah, je l'ai gardé dans un coin, j'arrive. Alors, la quote que je voulais... Parle-t-elle de bière? Hein? Non, elle ne parle pas de bière. Parle-t-elle de science? Pas du tout. Oui, ça parle de science. J'ai trouvé en fait une citation qui va pas mal au métier de chercheur. Je pense que ceux qui font de la recherche pourront dire que oui, j'espère. De Gaston Bachelard qui dit « Celui qui trouve sans chercher est celui qui a longtemps cherché sans trouver. » Ouais. Ah, ou pas. Bah, il y a l'aspect de sérendipité qui n'est pas compris dedans, tu vois. Non, c'est sûr. Mais en fait, je cherchais un truc sur le fait que, voilà, métier de chercheur, on passe quand même beaucoup, beaucoup de temps à louper des trucs, quoi. Mmh. Et là, je l'ai trouvé pas mal, celle-là. Mais, et donc, comment il s'appelle, ce monsieur? Gaston quoi? Gaston Bachelard. D'accord. Philosophe. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce grand? Ah, philosophe. D'accord. Il a fait beaucoup de philosophie des sciences, ouais. Ah, d'accord, ok. Ouais, Bachelard, ouais, un peu, ouais. Bachelard. Donc, okay. Voilà. C'était pour changer un peu de... Un peu. Ouais. C'est classe. Je viens de tout plomber avec ma citation, mais c'est pas grave. Non, mais c'est ta façon bien. De répondre à les chercheurs qui cherchent, on en trouve tout ça là. Voilà, exactement. Parce que non, mais c'est vrai qu'on voilà, le peu de gens savent que le travail dans un labo, c'est quand même 99% de trucs qu'on met à la poubelle et 1% de trucs qui marchent, quoi. C'est vrai. Et voilà, donc j'ai vu ça, je me suis dit ah oui tiens, c'est vrai que. C'était pas mal. Ça m'a fait du bonheur dans mon petit cœur. Ouais, j'avais c'est vu principal. Justement. Il y avait eu une émission que j'avais écoutée il y a pas longtemps justement sur de l'anthropologie et de l'ethnologie de laboratoire, de quelqu'un qui visitait des laboratoires et qui avait fait justement d'une certaine manière en se disant voilà c'est quoi cette tribu, etc. Essayer de comprendre un peu comment ça fonctionnait. Et un des éléments qui était ressorti, c'était que le gâchis scientifique était énorme, c'est-à-dire qu'il y avait énormément de choses qui n'étaient pas traitées, oui. De données finalement qui sont stockées sans rien, etc. Mm-hmm. Et donc, ce que tu pointes avec cette idée-là de Gaston Bachelard, ça peut être aussi, d'une certaine manière, pointer un dysfonctionnement qu'on essaie un petit peu de mettre sous le tapis en tant que scientifique, mais qui devrait probablement être plus étudié. Bah, y a ce dysfonctionnement, mais il y a aussi le fait que les expériences ne marchent pas à tous les coups. Et que suivant ce qu'on fait, hein, ça dépend encore du domaine, etc. Mais il y a beaucoup de jours, moi, où honnêtement, je ne serais pas allée au labo, ça aurait été la même chose. Hein. Oui, je sais, mais justement. c'est pas des datas, c'est juste, j'ai même pas de données après. Hein. Mais il y a pas mal de moments en fait où si on revient sur parfois de grandes découvertes par sérendipité, tu t'aperçois que les échecs. C'est parce qu'ils ne sont pas interprétés, c'est parce que quand tu dis en fait qu'une expérience ne marche pas, C'est vrai que la plupart du temps, on dit « oui, cette expérience n'a pas marché ». Mais si on creusait véritablement dedans, mais ce serait totalement en dehors de notre champ de recherche, on pourrait peut-être découvrir des choses. Alors, je suis d'accord pour un certain domaine, mais par exemple pour le mien, je fais de l'in vivo, donc je travaille avec des animaux. Et j'ai beaucoup, quand je dis que ça ne marche pas, c'est qu'en général, tout va bien se passer. Et où je travaille avec des choses pour enregistrer les EEG, donc les ondes du cerveau, sans fil. Et des fois, j'en ai un qui s'arrête. J'ai un des mes transmetteurs qui s'arrête. Ouais. Et là, je ne peux rien y faire. Mes datas, je ne peux rien en faire. Et voilà, moi, je parle de ce genre de choses aussi où, au final, on passe des jours à essayer d'arranger les choses. Voilà. Donc, effectivement. Mais c'est vrai qu'il y a aussi ce que tu dis. Il y a une part des deux, je pense. On conclut ou d'autres marques ? Moi, j'ai rien à dire. C'est ton dernier moment pour parler d'excréments, Pierre. Merde, on conclut. Rien. Ah non, ah, putain, merde. La bonne blague là. Coupé dans ma blague. Vas-y, fais ta blague. Merde, je vois rien à dire. Super. Merveilleux, ça valait le coup. Je crois que je vais la couper quand même. Bon, merci tous d'avoir suivi cette merveilleuse émission, tout ça. Et on vous remercie toujours d'être plus présents, d'être présents sur Patreon, de faire des dons, d'aussi des présences des gens sur YouTube qui sans doute m'entendront en différé parce que je pense que les gens qui sont exclusivement YouTube doivent pas savoir qu'on a un live. Du coup, on remercie aussi bien sûr Elodie qui est venue nous parler de Pint of Science. Merci à vous et donc on vous invite à suivre les prochains événements et à aller les participer parce que du coup ça existe à plein d'endroits, donc il y a sans doute un endroit pas trop loin de chez vous, en tout cas si vous êtes en Europe, où vous pourrez y assister. En attendant la semaine prochaine pour parler de cosmographie, en savoir plus où on en est, vous pouvez nous suivre sur l'internet mondial un peu partout, sur notre site web bien sûr, podcastscience.fm, sur SoundCloud, sur Twitter, sur Facebook, un peu sur Google+. Et voilà, je crois qu'il n'y a pas d'autre réseau. On remercie aussi Puyo pour ses merveilleux dessins. Et puis, sinon, que servir la science soit votre joie. À ciao.